Le mardi 7 février, ici Dominique Lelièvre et les informations. Deux personnes reposent toujours dans un état critique après l'attentat du 29 janvier. D'après le plus récent bilan du CHU de Québec, les deux blessés sont toujours aux soins intensifs. Il s'agit de Saïd El Amari, chauffeur de taxi d'origine marocaine, père de 4 enfants, et d'Aymen Derbali, consultant en informatique, lui aussi père de plusieurs enfants. Ce dernier repose toujours dans un coma artificiel. Il a été atteint par 6 balles le soir de la fusillade. 3 autres blessés ont pour leur part obtenu leur congé de l'hôpital dans les derniers jours. C'est à Lévis et non à Québec que devrait voir le jour le premier cimetière musulman de la région. Une source anonyme affirme que le Centre culturel islamique de Québec a choisi la rive sud parce que le coût des terrains y est 4 à 5 fois moins élevé. Mais le projet aurait traîné pendant de nombreuses années pour des raisons de fiscalité et de zonage, mais aussi en raison de la réticence de nombreux propriétaires pour une telle activité. Selon Le Soleil, un terrain aurait finalement été trouvé et une transaction serait imminente. L'ouverture de 3 centres d'injection supervisés à Montréal relance le projet d'en ouvrir un à Québec. Le CIU 3S de la capitale nationale confirme faire des démarches en ce sens et compte déposer une demande à Santé Canada avant la fin de l'année. En 2014, un rapport recommandait d'ouvrir un tel centre à Québec pour les quelques 900 personnes qui sont atteintes de toxicomanie. De son côté, la Ville de Québec dit que cette idée est conditionnelle à une acceptabilité sociale convaincante. Enfin, ces jours de reprise des travaux à l'Assemblée nationale, plusieurs dossiers risquent de s'inviter à la période des questions en après-midi. Le retour du député Jerry Sklavounos retient l'attention. Plusieurs élus s'y opposent, même s'il a été blanchi des allégations d'agression sexuelle qui pesaient contre lui. Et dans un contexte post-attentat, la question de l'immigration et du vivre ensemble pourrait également rebondir. Le premier ministre Philippe Couillard souhaite faire adopter rapidement le projet de loi 62 sur la neutralité religieuse. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. Un avertissement de tempête hivernale est en vigueur et c'est tout un cocktail météo qui nous attend au cours des prochaines heures. Aujourd'hui, ennuagement cet après-midi, de la neige qui va débuter vers 18h ce soir et qui va augmenter en intensité au fil des heures. On attend entre 10 et 15 cm de neige ce soir et cette nuit. Il y a aussi des vents qui vont souffler jusqu'à 60 km/h et qui vont causer de la poudrerie. Et les températures sont à la hausse cette nuit, si bien que demain matin, possiblement à l'heure de pointe, la neige pourrait faire place au grésil et même à 5 mm de pluie verglaçante, ce qui promet de compliquer les déplacements sur les routes et la tempête devrait se terminer demain vers midi. Alors, aujourd'hui, on annonce un maximum de moins 11. Demain, le mercure va atteindre 0 degré en matinée et va se mettre à descendre par la suite et pour atteindre moins 14. Jeudi. Présentement à Québec, c'est généralement nuageux. On a moins 14 degrés, moins 23 avec le refroidissement éolien.